Vous écoutez l'émission de Mireille Fréjot, La Belle sans la Bête, le journalisme des profondeurs sur Radio Impact. Bonsoir tout le monde, Mireille Fréjot à ce 16e rendez-vous. Là, je n'étais pas annoncée sur la page de Radio Impact. Alors, aucune idée. Ah, peut-être qu'ils viennent l'annoncer, donc aucune idée là. Si je suis comme avec moi-même et avec très moi-même, comme la plupart du temps finalement. Alors, ben, de toute façon, je vais faire l'émission comme c'était prévu. Alors ce soir, je vais à ce 6e rendez-vous, je vais lâcher un peu le coco-vide. C'est ma nouvelle appellation. Coco-vide pour exprimer tout le gros bon sens et le jugement, le discernement qui sont éliminés à la vitesse grand V chez plusieurs. Ce soir, je vais revenir à La Belle sans la Bête et sur les programmations animales féminines. Et en fin d'émission, je reviendrai sur ce qui m'a frappé cette semaine par rapport à la fin du monde, quoi. Alors, je vous sauf la semaine dernière, mais avant l'autre semaine, je vous avais laissé sur la séduction et j'y retourne. Je retourne dans les programmations animales féminines. Alors, on parle beaucoup des bitcheries et de compétition entre les femmes, et pourtant, c'est pas très sorcier. Comme tout animal de troupeau, toujours sur le qui-vive, j'observe continuellement mon environnement. Surtout, ne jamais baisser la garde. Dès qu'une autre femelle s'y pointe, je compare et évalue ses attributs et ses capacités d'influencer l'écosystème dans lequel je broute. Si elle en jette, si ses atouts dominent, j'insécurise. Normal. la plus désirable et la plus dominante. Malaise. À chaque nouvelle ride, à chaque moment où le temps m'aura davantage fripé, ma place dans le cheptel humain va être menacée, rétrécie, reculée dans la hiérarchie, jusqu'à perdre totalement toute position digne d'intérêt. Combien de fois a-t-on entendu des actrices se plaindre que plus elles vieillissent, moins elles ont de rôle? Le hic avec ce programme animal est que non seulement il devient de plus en plus douloureux avec le temps, mais il commence aussi très tôt. De la maternelle, excusez-moi, jusqu'à la tombe, l'agenda féminin s'écoule sous le joug et la pression de la séduction. La femme a un devoir de beauté. Comment s'extirper de ce système, se sortir la panne de là? Lancer ses talons hauts à bout de bras est peut-être un premier pas, sacré talon. Pour se donner une posture plus élancée, une illusion de jambes plus longues et de pieds plus courts, une meilleure définition des muscles, un dos cambré, etc., on endure des douleurs aux pieds, une démarche handicapante, une incapacité de courir et de se mouvoir aisément, des risques de difformité aux pieds, au dos, alouette, et même des fractures et des entorses. Franchement, qui est confortable juché sur ces escarpins? Plus de 88% des femmes porteraient des chaussures trop petites par souci de féminité, selon une chercheuse. Est-ce que trouver une chaussure à son pied est un luxe? De nombreuses femmes s'obligent à porter des chaussures inconfortables. Le pied est pourtant la partie de notre corps qu'on utilise le plus et celle qu'on maltraite le plus, a exposé Marie-Ève Faust, professeure et directrice de l'École supérieure de mode à Montréal. Depuis longtemps, les chaussures à talons hauts sont notamment les symboles de l'élégance car ils donnent l'illusion que les pieds sont plus petits. Pourtant, on peut être élégante avec des souliers qui ne sont pas surélevés, dit-elle. Mais tant que les marques de luxe, ça c'est mon chien qui vient de japper, vont continuer à créer des chaussures à talons hauts, ça va rester la norme, a-t-elle ajouté. Elle a également cité un designer de souliers de luxe ayant déjà dit « Ce n'est pas mon travail de créer quelque chose de confortable. » Puis parenthèse, ces temps-ci, on a intérêt à être confortable. On ne sait pas comment ça bouge, mais on sait qu'il va falloir bouger. Pour ma part, qu'est-ce que j'en ai endossé des crétineries et porté longtemps ces abominations? On peut bien faire la moue scandalisée devant la coutume, née au début du 10e siècle, des pieds bandés des Chinoises. Cette coutume avait pour but de donner aux pieds la forme d'un bouton de lotus. Pour ce faire, les orteils étaient fracturés volontairement, ce qui entraînait des nécroses et des lésions. Une torture perpétrée pendant plus d'un millénaire. Certains avancent que quelques irréductibles la pratiqueraient encore de nos jours. Ça, j'en doute même pas. Pour bon nombre de Chinoises, cette atrophie reste le symbole ultime de la féminité. Pas si loin le jour où la place des femmes dans la société chinoise dépendait de la taille de leurs pieds. Un minuscule 7,5 cm était considéré comme la taille idéale. Rire jaune. Quant à moi, je suis convaincue que plusieurs viols auraient été évités si quelques-unes, confortablement chaussées, avaient eu la possibilité de s'enfuir. Mais bien sûr, il y a d'autres façons d'éviter un viol. Alors, je vais continuer avec une musique de Derek Clegg et Hanging by a String. Je trouvais le titre vraiment intéressant. Thank you. Bon, Derek Lang est disponible sur des sites où les droits d'auteur sont fruits. Il est vraiment intéressant, cet artiste. Je continue. L'art du trompe-œil. Et que dire des solutions de camouflage? Combien de femmes ne peuvent se passer de leur précieux maquillage? Pas maquillée, qu'il est facile d'avoir une faible estime de soi-même. Je me sens pas à l'aise avec le visage nu. J'ai l'air plus vieille. On voit tous mes défauts. Aussi, il ne faut pas trop rire ni trop pleurer. Oups, c'est mon maquillage qui coule. Mieux vaut garder la pose, éreintant tout ça. De grands yeux aux pupilles dilatées manifestent aussi un signe d'intérêt sexuel. Facile de les agrandir avec du fard à paupières, du mascara et des faux cils. Ça transforme, ça rajeunit, et les hommes sont instinctivement attirés par la jeunesse. D'où d'ailleurs une armée de fausses blondes qui nous assaillent depuis des décennies, les cheveux foncés manifestant davantage de force, de virilité et de maturité. L'expression « les petites têtes blondes » ne désigne-t-il pas les enfants? Séduire, c'est l'art de tromper l'homme dans le but de l'attirer et d'asseoir un certain contrôle sur lui. Les ongles longs, comme des griffes félines, de fait, rallongent de tout, des cheveux, des cils, des talons. La femme a-t-elle à ce point un sentiment d'être petite et courte? Puis ça s'applique aussi au commun des mortels en ce moment sur le sentiment d'être impuissant et petit. J'ai adoré me maquiller de la même façon que j'ai aimé dessiner. Mon visage était une toile blanche à peinture lurée. Sans ses couleurs et ses ombres, comme je me trouvais insipide. Un peu comme un poisson guppy de deuxième classe. Les guppies, pour ceux qui connaissent ces poissons-là, on en avait beaucoup hein, dans nos aquariums au Québec, dans le sous-sol. Pour rehausser leur beauté, s'entourent des plus moches. Des chercheurs ont découvert que lorsque vient le temps de s'accoupler, les mâles s'associent avec leurs congénères les plus laids, les plus ternes. Ainsi, excusez-moi, sortant du lot des fadasses, les poissons aux couleurs vives et chatoyantes maximisent leur attrait et l'intérêt des femelles. Quand on leur a demandé si cette formule pouvait s'appliquer aussi à nos comportements, du bout des lèvres, les chercheurs ont admis que cette tactique fonctionne assez bien pour les humains. Si un poisson peut comprendre ça, imaginez à quel point nous connaissons l'art de nous colorer, de manipuler et de tromper. La chasse au poil. Parmi l'outillage basique de la séduction, l'épilation est depuis fort longtemps un incontournable atout. Toutes les civilisations ont voulu éliminer le poil, symbole d'animalité et d'impureté. Des traces d'outils rudimentaires tels que des pinces à épiler ont été dénichées dans des sépultures datant de la préhistoire. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons et la plupart des personnes de l'aristocratie s'épilent intégralement le corps. Puis les Romains de la bourgeoisie fréquentent les bains et y reçoivent moult soins corporels, dont l'épilation des jambes. À la Renaissance, toujours chez les gens de la haute, une nouvelle mode voit le jour en Occident. Les femmes s'épilent le visage pour se créer un front immense. Une démarche visant à nouveau le démarquage entre l'animal et l'humain dit évolué. Au début du 20e siècle, on assiste à l'arrivée du maillot de bain et des vêtements plus courts, avec pour résultat le grand retour de l'épilation des jambes et des aisselles chez les femmes occidentales. Je vais prendre une gorgée de vin blanc. Et depuis 5 décennies, les critères de beauté sont manifestés par des mannequins féminins au corps d'adolescentes, glabres, sans aucun poil. aujourd'hui, auprès des jeunes générations, le string est le sous-vêtement féminin le plus porté, le plus vendu. Et finalement, la pornographie accessible partout impose l'épilation intégrale, tant pour les femmes que pour les hommes. À voir les mises en scène porno de ces corps imberbes, je doute que la raison soit de différencier d'avec l'animal. Pour moi, il s'agit toujours du rappel d'un corps d'enfant. Les automatismes. Consciemment ou non, le temps de se bricoler un air avec un certain sourire, un mouvement étudié de la tête, un croisement ou un décroisement à guichon des jambes, une façon de jouer avec sa chevelure, une bouche joliment dessinée, des vêtements provoquants, tous ces artifices ont toujours stimulé sexuellement les hommes. Ça n'en prend pas beaucoup pour galvaniser le matou. Et les femmes exploitent avec brio cette particularité féminine, masculine. Puisqu'elles sont fréquemment en contact avec eux, cette façon de se rendre désirable vient par habitude, par pur mécanisme et réflexe. Cet appel au mâle, juste pour draguer ou pour la totale, c'est instinctif. Lorsque l'homme répond à cette vibration, ça nous rassure quant à notre pouvoir. Les bons vieux instincts de chasse sont à l'œuvre. Corps sous influence. Chaque culture embrigade les femmes, formate leur corps selon sa propre définition de la beauté. Partout dans le monde, le corps féminin est un objet de désir. Pour plusieurs Africains, l'obésité est un symbole séduisant. Bien enveloppés, on les suppose plus fertiles. Ainsi, au Niger, au nord du Mali, on gave les fillettes pour forcer leur développement et permettre un mariage précoce. Le métier de gaveuse, hein, vraiment de gaveuse, consiste à agrandir de manière définitive l'estomac de la jeune fille. Plusieurs femmes, voulant séduire un éventuel mari, pratiquent l'auto-gavage. Moi, si c'était pas avec du gâteau au chocolat, je le ferais pas. Mais bref, ça c'est moi. En République démocratique du Congo, une pilule qui fait grossir les fesses fait fureur. Celle-ci augmente l'appétit et engraisse principalement le popotin. En Afrique du Sud, les femmes se tiennent loin de la minceur de peur d'être stigmatisées comme porteuses du virus du sida. Au contraire, en Occident, la vie des grosses femmes est parsemée d'embûches et la maigreur rime avec la beauté. Au menu, taille de guêpe et poids-plume. Des séductrices canons vont sacrément loin pour livrer la marchandise. On raconte qu'au milieu des années 50, la cantatrice Maria Callas avait suivi un intense régime. En 2 ans, elle a fondu de 30 kilos et est devenue une icône de la mode et des photographes du monde entier. Selon la légende, elle avait avalé volontairement un verre solitaire afin d'accélérer le changement de sa silhouette. Ce moment correspond avec le début de son déclin physique. Quoi qu'il en soit, gavé comme une oie ou grugé de l'intérieur par une bibitte visqueuse, c'est toujours une question de pression pour obéir à ce devoir et cette programmation de beauté. Petite, je ressentais bien cette pression dirigée sur les filles. Fin observateur, un enfant apprend rapidement les rouages pour embrayer sur le pilote automatique et s'y tenir. « Voilà ce que tu veux, » dit-il aux adultes, « voilà ce que tu auras. » Plus d'une fois, il m'est arrivé d'envier les aveugles. Ça devait être génial, ou du moins reposant, de s'approcher, d'interagir, hors du grand jeu des images. Quand on s'en compare, on se console, bien sûr, car il y a toujours pire que soi. Il n'empêche qu'une petite fille qui n'est pas belle, autrement dit qui ne ressemble pas à ses idoles, flaire bien qu'elle devra ramer davantage que ses acolytes gâtés par la génétique, comme le chante si bien Jean-Jacques Goldman dans « C'est ta chance ». Dans cette chanson, extrait, « Il faudra que tu sois douce et solitaire aussi. Il te faudra gagner pouce à pouce les oublis de la vie. Oh, tu ne seras jamais la reine du bal vers qui se tournent les yeux éblouis. » Pour que tu sois belle, il faudra que tu le deviennes, puisque tu n'es pas née jolie. Si en plus elle grandit dans un foyer sain, elle ne grandit pas dans un foyer sain, bienveillant, et qu'elle manque d'estime personnelle, la hantise qui pousse à se trafiquer un look d'enfer peut être faramineuse. Une kyrielle d'obsession et de dépendance suivront forcément. Avec, en bout de ligne, une éternelle insatisfaite de plus sur la planète. Hein, je pense que si quand on parle des femmes, on peut dire, en bout de ligne, une éternelle insatisfaite de plus sur la planète. Pour les femmes, la survie et la séduction ont toujours été liées. Plus elles séduisent, plus leur survie est assurée. Et c'est encore vrai en 2020, et peut-être que même ce qu'on vit va exacerber ce vieux programme animal. C'est une identité commune bien inscrite dans leurs cellules. À travers l'histoire humaine, le corps féminin est un espace qu'on définit, qu'on réglemente, qu'on occupe. On ne naît pas femme, on le devient, a écrit Simone de Beauvoir. Et en revenir, cesser d'exacerber cette féminité qui gruge un temps fou et qui canasse d'avance toute issue heureuse est un job de titan. On se fait bouffer, je vous le dis. On ne perd pas sa vie à la gagner, on la perd à séduire et ça s'explique aisément. Irrésistible beauté. En 2014, Sylvia Galipo a signé un article fort intéressant sur la beauté dans la presse. Ça confirme que les gens séduisants ont tendance à décrocher de meilleurs boulots, de meilleurs salaires et même à être plus heureux, forcément. Quand on se sait physiquement attirant, on se sent mieux positionné sur le plan social et vice-versa. Quand on se sent physiquement peu attrayant, on tend à se dénigrer. On y apprend aussi que récession ou pas, crise ou pas, fin du monde ou pas, l'industrie de la beauté continue de faire rouler les affaires. Autre découverte, des chercheurs ont voulu savoir quelles étaient les perceptions des répondants quant aux inégalités sociales. Deux points. Non seulement les gens qui se trouvent les plus beaux se croient les mieux nantis, mais ils ont aussi tendance à penser que s'ils sont arrivés là où ils sont, c'est parce qu'ils l'ont bien mérité. Bref, que ceux qui n'ont pas eu leur chance sont moins travaillants, plus paresseux, moins méritants. Fin de la citation. Beauté et succès, en principe, vont de pair. Plus belle carrière, meilleure perspective d'avenir, etc. Aussi, les hommes en union avec de belles femmes sont plus heureux, toujours d'après cette étude. Avoir une femme belle, c'est un marqueur social, une façon d'affirmer sa puissance, écrit le sociologue Jean-François Amalieu dans Le poids des apparences, dans le livre Le poids des apparences. Ici, sans grande surprise, on avance que les femmes minces gagnent plus d'argent que les rondes et qu'un maquillage soigné ajoute une plus-value. Fait cocasse, même les poupons, les bébés préfèrent les beaux, les visages harmonieux. La beauté exerce un réel pouvoir. Meilleur boulot, meilleure union, occasion bonifiée d'être heureux, plus heureuse que les moches, etc. Mais alors, comment expliquer les penchants autodestructeurs et les morts précoces de celles qui se hissent au sommet de cette beauté? Les pétards mouillés. Dans l'univers de la beauté, les porte-étendards de la féminité armés d'un œil fier, d'une moue faussement candide ou d'un sourire ravageur, dont les admirateurs sont légion, sont souvent celles qui parlent de manière précoce et violente. Sculpturale, plantureuse, voluptueuse, être une créature de rêve et voir sa beauté célébrée dans le monde entier, voilà qui ne semble pas offrir une garantie de bonheur. Pourtant, combien de femmes à la plastique moins parfaite et aux yeux en boule de loto ne bavent-elles pas d'envie devant ces allumeuses qui ont tout pour elles? Si elles avaient tellement tout, justement, ces plantureuses sirènes finiraient-elles leur vie brutalement en queue de poisson? Et combien de rêves de bimbolanes n'ont-elles pas dit de leur vivant? J'ai l'impression d'avoir été utilisée, d'être traitée comme un morceau de viande. Que de contradictions! Dénoncer le joug de la séduction en ne cessant de l'alimenter à grands coups de décolleté plongeant ne peut mener qu'à la tourmente. En bout de ligne, les mille et un visages de la séductrice se ressemblent tous et c'est Hollywood qui a décidé du look. D'ailleurs, le cinéaste Federico Fellini avait dit de Greta Garbo, disparue des écrans avant que sa divine beauté ne se flétrisse, elle fut la fondatrice d'un ordre religieux appelé cinéma. Bien que la beauté soit une vitamine surpuissante, elle est aussi un poison pour nombre de séductrices incendiaires. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Alors c'était I want to be loved by you de la magnifique et wow, du mythe Marilyn Monroe, la vamp qui a mis le feu à Hollywood, a sans doute son corps à elle a sans doute été celui le plus photographié dans le monde. Les hommes préfèrent les blondes et Marilyn, la star peroxydée, a éclipsé toutes les autres platinées. Son image sexy en diable, ce sont les studios qui l'ont fabriquée. Là, je vais te dire une citation d'elle-même. « Quand je pense à toutes ces filles qui essaient de me ressembler, c'est extraordinaire. On peut dire un tas d'âneries à ce sujet en prétendant qu'elles n'ont pas ce qu'il faut devant, ce qu'il faut derrière, mais ce n'est pas cela qui compte. Elles n'ont pas ce qu'il faut en elles », déclarait l'actrice aux fans de sa gloire et peu avant sa mort. Néanmoins, elles sont toujours nombreuses à se plier à l'atavisme pour faire revivre à nos âmes l'effet Marilyn. Elle avait confié « Il me faut 5 heures pour devenir Marilyn Monroe. Un sacré job. » On l'a déclarée officiellement morte par overdose le matin du dimanche 5 août 1962. Trop de médicaments, trop de champagne, trop de « pas assez de » de quoi exactement? Ou assassinée par les Kennedy. D'autres avancent qu'elle aurait été, et ça c'est pour moi c'est plus intéressant, le premier mannequin programmé présidentiel. On se rappelle que ces années-là, il était vraiment tous les débuts de la programmation mentale. Juste un mot sur ces programmes ayant pour objectif de lessiver le cerveau. Il s'agit de différentes techniques basées sur des traumatismes afin de créer des modifications de personnalité. À ce sujet, un texte signé de la main de Marilyn est assez éloquent. Elle y décrit être ouverte par Lee Strasberg, son professeur d'art dramatique durant plusieurs années, et par Margaret Hohenberg, sa psychiatre. Certains parlent du récit comme le souvenir d'un cauchemar et d'autres soutiennent qu'il s'agit de la description d'une séance de contrôle de l'esprit. Alors, les extraits. Strasberg, c'est le meilleur et le plus compétent des chirurgiens pour m'ouvrir. Une fois que le docteur H, ça c'est un autre, j'imagine, qui est dans la salle, m'a administré un anesthésiant pour tenter de me soulager médicalement, Strasberg m'ouvre. Et après, tout dans la pièce devient blanc. En fait, je ne vois plus personne, juste des objets blancs. Il m'ouvre. Il n'y a absolument rien là-dedans. Strasberg est profondément déçu, mais encore plus étonné sur le plan intellectuel qu'il ait pu commettre une telle erreur. Il pensait trouver bien plus. Et au lieu de ça, il n'y avait absolument rien. Dépourvu de toute créature humaine vivante sensible. La seule chose qui en est sortie était de la sciure de bois très fine, comme on en trouve à l'intérieur des poupées à l'effigie de Raggedy Ann, la poupée de chiffon. Là. Les plus vieux et les plus vieilles s'en rappelleront, moi je m'en rappelle. Et la sciure se répand sur le sol et la table. Fin de la citation de Marilyn. Quoi qu'il en soit, Marilyn existe à partir d'un vide effroyable. Hollywood est un endroit où l'on vous paie 50 000 pour un baiser et 50 cents pour votre âme, avait-elle dit. Anton LaVey, le fondateur de l'Église de Satan, est reconnu comme un programmeur du contrôle mental, mentionne dans sa biographie avoir eu une aventure avec Marilyn. Une autre bombe, assez près, hollywoodienne, James Manfield, a aussi beaucoup côtoyé le clan de LaVey. LaVey, je ne sais pas comment on le prononce. Toutes deux ont beaucoup en commun, notamment le fait d'être mortes dans la trentaine comme moult de pétards mouillés. Forcément, les cendres des pétards, si mouillées soient-elles, font autant de flammèges que sonner longtemps les coffres. Le tombeau de voisin de celui de Marilyn avait été mis en vente pour $500,000. Des acheteurs sont allés jusqu'à offrir pas mal plus de millions. Occupé depuis un quart de siècle par un dénommé Richard Puncher, à l'âge de 81 ans, sa veuve a décidé de le déloger pour rembourser son crédit immobilier de sa maison à Beverly Hills. Son défunt l'avait pourtant mis en garde. « Si je crève et que tu ne m'installes pas face à Marilyn, je te hanterai pour l'éternité. » L'homme, semble-t-il, a été inhumé, allongé sur le ventre, pour un tête-à-tête éternel avec sa voisine du dessous, la fabuleuse Marilyn. Les vieillards fous d'amour pour ces jeunes femmes, soleil, sont légion. Son équivalence masculine, c'est-à-dire la photo la plus populaire du côté masculin, va à la photo iconique du Che, El Guerrillo Heroico, prise en 1960 par Alberto Korda à La Havane. Elle y présente Ernesto Guevara, plus connu sous le nom de Che Guevara. Le Che y affiche un air volontaire, grave et chevaleresque, le regard élevé, transcendant. Ce cliché a fait le tour du monde, surtout depuis sa mort en 1967, lorsqu'il a été abattu par l'armée bolivienne. Beaucoup voient dans ce portrait l'expression parfaite du révolutionnaire poétique. Il était une fois deux super-héros, deux antonymes, Marilyn et le Che, aux antipodes et pourtant aussi flamboyants l'un que l'autre. Ils en ont bouffé de l'espace et brassé de l'air, et ça continue. L'image reste utilisée partout, tout le temps, sur un t-shirt, un cendrier, une tasse de café et moult produits dérivés. Malheureuse Anna. L'histoire sordide de la Playmate, qui désigne une femme ayant posé comme modèle pour le dépliant central de Playboy, de 1993, était Anna Nicole Smith, est assez semblable à Marilyn. Tout commence par une carrière de stripteaseuse et des fantasmes de célébrité. Son idole, c'est Marilyn, justement, avec qui elle ressent une puissante connexion. À 26 ans, elle épouse le magnat du pétrole américain G. Warren Marshall, âgé de 89 ans. Peu de temps après, celui-ci décède et la bimbo se lance dans une féroce bataille juridique avec sa belle famille pour obtenir une partie de la colossale fortune de son époux. L'affaire s'éternise et va même jusqu'en Cour suprême. Puis son émission de télé-réalité la dévoile sur toutes les coutures jusqu'à la venue au monde en 2006 de sa petite-fille Danieline. Son fils aîné, Daniel, meurt mystérieusement 3 jours après cette naissance, après la naissance de sa petite-fille, donc de sa petite-sœur, à l'âge de 20 ans. Les médias parlent d'overdose. C'est le début de la fin pour la pulpe blonde qui rend l'âme 6 mois plus tard, à l'âge de 39 ans, dans une chambre d'hôtel de Miami. Dans son cas, on conclut aussi à une surdose. Il existe une vidéo dans laquelle on la voit enceinte, maquillée en clown et se comporter de façon très étrange. Complètement défoncée, elle s'exprime comme une gamine penonde et déconfite, totalement perdue. La scène filmée par son conjoint et avocat d'alors, Owen Carstern, est triste à mourir. Sa vie mélodramatique est digne d'un des meilleurs polars hollywoodiens. La petite Danieline, copie conforme de sa mère, suivra ses pas et devient en 2012 mannequin pour la célèbre marque Guess. Britney Spears, souvent décrite comme une zombie droguée, est elle aussi obsédée par Marilyn. Régulièrement, elle se rend sur sa tombe et va être enterrée dans le même cimetière. La liste des pétards partageant cette même obsession et qui porte vaillamment son fantôme écrasant pourrait s'allonger encore et encore, mais restons-en là. Par une sorte de mimétisme envoûté, elles sont de plus en plus nombreuses à incarner les tentatrices et en faire un métier à temps plein. Pourtant, être une croqueuse de diamants peut laisser un goût amer. En attendant la chute finale, un grand coup de budget, beauté et d'un programme aussi surréaliste que malsain, rendant possible ces tours de prestigitation, elles réussissent, quoique de plus en plus difficilement, à faire semblant. Un macabre défilé de marionnettes incapables d'aller au-delà de leur démentiel sex-appeal, elles sont terrorisées par la peur d'être has-been avant même d'avoir été. Et c'est là-dessus que l'on fantasme. Pourquoi ne pas sortir de cette hantise ressentie face à ces femmes canons? Attention, ce n'est pas gagné car elles sont partout. Il appartient surtout aux femmes de pouvoir se libérer de ce fastidieux programme qu'est la séduction et d'écrire un nouveau chapitre plus élevant. Et quelques hommes-femmes aussi, parce qu'être une femme, ça peut être épuisant. Il veut redevenir un homme. Matthew Antonley, un Britannique, est devenu Chelsea Antonley, moins d'une décennie plus tard, il souhaite renverser son opération qui a été faite aux frais des contribuables, car être une femme, c'est fatigant, dit-il. J'ai toujours voulu être une femme, mais peu importe le nombre de chirurgies que je pourrais recevoir, je n'aurai jamais un vrai corps de femme. Je sens que je vis dans un mensonge, a-t-il déclaré au Daily Mail. Les années passées dans un corps de femme l'ont épuisé. C'est fatigant de devoir se maquiller tous les jours et de porter des talons, a-t-il dit. La prise d'hormones l'a aussi grandement affecté. J'ai souffert de dépression et d'anxiété. Tiens, tiens. Excusez-moi. J'ai réalisé qu'il serait plus facile d'arrêter de me battre contre l'apparence naturelle de mon corps et accepter que je suis née dans un corps d'homme, conclut-il. Un détour qui aura coûté cher dans tous les sens du terme. L'ancien médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été de 1976 du Décathlon, puis star dans l'émission de télé-réalité américaine L'incroyable famille Kardashian, Bruce Jenner devenue Caitlyn, va-t-elle fixer les scellés du troisième sexe une fois pour toutes? Je veux être un exemple, explique-t-elle. La machine du transgenre est lancée et bouleverse tout sur son passage. Passer de super-héros, de mâle alpha dans toute sa splendeur, à cover girl, à sex-symbole glamour, la vamp ratisse large. J'ai eu la chance d'échanger avec un jeune transgenre de 14 ans seulement, qui a fait une émission à l'époque à Télé-Québec. Mais bref, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec un enfant, un pré-ado, un ado qui était sur le point de changer de sexe. Mais ça va être dans la prochaine émission, comme dirait Capitaine Bonhomme. Maintenant, parce qu'après ça, je vais revenir à notre enfant actuel. Et maintenant, je vais mettre une pause musicale de Gisèle Pape, Moissonner. Moissonner à l'hiver de la gaieté. L'âme discorde pour les jours de fierté. Certaines sont les poquets et les peurs. L'encre coule et durs sont les labeurs. Je lui offrirai un compagnon. Je donnerai des plantes à mon poisson. Le plancher craque et le seau est percé. La vie passe et vite et tu n'as rien. Nous irons loin, pêcher les espoirs, nous sommes au calme. Voilà. Alors, je reviens à notre enfer actuel. Je fais partie des personnes qui sont vraiment concentrées à suivre ce qui se passe en ce moment, avec toutes les mauvaises, mais aussi les bonnes surprises. Puis moi, je vais toujours faire cette émission-là, cette expérience-là, puis terminer sur une note positive. Donc, c'est pour ça que j'essaie de retenir ce qui est très intéressant au niveau évolutif, positif dans tout ça. Et j'ai reçu d'une amie un texte qui a été publié dans le journal Valeurs Actuelles. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est un truc, en tout cas, pour chrétiens, là, du 7 mai 2020. Et c'est lancé par plusieurs cardinaux. Parce que, il faut se le dire aussi, tous ne sont pas des pédophiles. Tu sais, il y en a, quoi. Et puis, il y a aussi des polices. Il y a plein de gens, là, tu sais, il y a des exceptions, finalement. Alors, ça a été lancé à l'initiative de Monseigneur Carlo Vigano, qui s'était fait connaître à l'été 2018 pour un rapport critiquant de manière très sévère la gestion des abus dans l'Église par le pape François. Ici, il sonne l'alarme sur les risques que fait courir la gestion de la crise du COVID-19 à la liberté religieuse comme aux libertés civiles. Un appel également signé par des intellectuels, des médecins, des avocats, des journalistes et professionnels de tout acabit qui en partagent le contenu. Les faits ont montré que sous prétexte de l'épidémie du COVID-19, les droits inaliénables des citoyens ont été violés en limitant d'une manière disproportionnée et injustifiée leur liberté fondamentale, là c'est le Monseigneur Machin qui dit ça, y compris l'exercice de la liberté de culte, d'expression et de mouvement. La santé publique ne doit pas et ne peut pas devenir une excuse pour bafouer les droits de millions de personnes dans le monde, et encore moins pour exonérer l'autorité civile de son devoir d'agir avec sagesse pour le bien commun. D'autant que les doutes croissent quant à l'effectif, contagiosité, à la dangerosité et à la résistance du virus. De nombreuses voix faisant autorité dans le monde de la science et de la médecine confirment que l'alarmisme à propos du COVID-19, amplifié par les médias, ne semble absolument pas justifié. Nous avons raison de croire, poursuit-il, sur la base des données officielles relatives à l'incidence de l'épidémie et sur celle du nombre de décès, qu'il existe des pouvoirs fort intéressés à créer la panique parmi la population dans le seul but d'imposer de façon permanente des formes de limitation inacceptables de la liberté, de contrôle des personnes, de suivi de leurs mouvements. Ces formes de limitation liberticide sont un prélude inquiétant à la création d'un gouvernement mondial hors de tout contrôle, sauf évidemment de ceux qui le contrôlent. Ça, c'est moi qui dis ça, c'est pas lui. Nous croyons aussi que dans certaines situations, les mesures de confinement, y compris la fermeture des activités commerciales, ont conduit à une crise qui a submergé des secteurs entiers de l'économie, ce qui favorise l'ingérence des puissances étrangères avec des répercussions sociales et politiques graves. Là, je lis des extraits parce que le texte était quand même très long, donc j'ai sorti ce qui, moi, me faisait vibrer le plus. Je poursuis. Il est également nécessaire d'aider la famille, cellule de base de la société, en évitant de pénaliser les personnes faibles et âgées par la séparation forcée et douloureuse de leurs proches. Il y a ma belle-mère aujourd'hui qui disait à son fils, mon conjoint, je m'ennuie, j'ai envie de serrer quelqu'un dans mes bras, puis ça, je trouve ça difficile de ne pas le faire. Je poursuis. La criminalisation des relations personnelles et sociales doit également être jugée comme une partie inacceptable du projet de ceux qui favorisent l'isolement des individus afin de mieux les manipuler, les contrôler. Il n'est pas raisonnable de pénaliser des remèdes qui se sont révélés efficaces, souvent peu coûteux, uniquement parce qu'on veut donner la priorité à des traitements ou des vaccins qui ne sont pas aussi fiables, mais qui garantissent aux sociétés pharmaceutiques des bénéfices bien plus importants qui pèsent sur la santé publique. Puis là, parenthèse encore, dans son texte, il parle pas parce que moi, c'est bien évident pour moi que le but n'est pas de faire de l'argent. Ces gens-là n'ont pas besoin de plus d'argent. Ça va plus loin que ça. On est rendu vraiment au contrôle total et à l'élimination de l'esprit humain. Donc, c'est même plus une question de fric. C'est une question du contrôle du territoire absolu. Alors là, je réponds avec Monseigneur. Nous rappelons également, en tant que pasteur, que pour les catholiques, il est moralement, mais ça, je trouvais ça très intéressant, inacceptable de recevoir des vaccins dans lesquels du matériau provenant de fœtus avortés est utilisé. Fait que ça, moi, je trouve ça bien intéressant. Parce que moi non plus, anyways, même si je suis pas du tout... moi, je suis spirituelle, mais je suis pas religieuse et je me plie pas aux dogmes, tu sais, catholiques. Mais en même temps, moi non plus, je veux pas dans mon corps des cellules de fœtus avortés, tu sais. Je suis même, puis je vous en reparlerai là, sur le don d'organes, j'ai tout un fichier là-dessus qui est vraiment intéressant. Puis donc, ça peut être, si jamais, là, moi, non. Mon spirit, il me permet pas de me faire injecter du matériel qui vient d'un fœtus avorté. Je poursuis avec lui, là, et non plus avec moi. Les citoyens doivent avoir la possibilité de refuser ces limitations de la liberté personnelle sans qu'il soit imposé aucune forme de sanction à ceux qui ne veulent pas recourir au vaccin, ni accepter des méthodes de suivi et tout autre instrument similaire. Il faut considérer également la contradiction flagrante dans laquelle se trouvent ceux qui poursuivent des politiques de réduction drastique de la population et qui se présentent en même temps comme des bienfaiteurs de l'humanité sans aucune légitimité politique ou sociale. C'est le fun, là. C'est un gros bonnet de l'Église, là, tu sais, qui a écrit cette lettre-là avec signature de plein d'autres. Je trouve ça très intéressant. Nous demandons, alors il poursuit, nous demandons aux médias de s'engager activement dans une information objective qui ne pénalise pas la dissidence en recourant à des formes de censure, comme cela se produit couramment sur les réseaux sociaux, dans la presse et à la télévision. L'information correcte exige qu'un espace soit accordé aux voix qui ne sont pas alignées sur la pensée unique, permettant aux citoyens d'évaluer consciemment la réalité sans être intimement influencés par des interventions partisanes. Alors, on voit bien que la démocratie, hein, on la quitte à la vitesse grand V. Mais, selon moi, il n'y en a jamais eu, mais ça, bon, ça sera une autre histoire. Une confrontation démocratique et honnête, c'est lui qui poursuit, est le meilleur antidote au risque de voir imposer des formes subtiles de dictature. Vraisemblablement pire que celle de notre société a vu naître et mourir dans un passé récent. On parle beaucoup ces temps-ci que c'est vraiment, c'est une première... ce que l'humanité vit en ce moment, c'est dans une proportion, une fréquence jamais expérimentée par le passé, et je le crois. Alors, il termine, puis là, il prend ses mots, bien sûr, de grand seigneur de l'Église. « Prions avec foi le Seigneur pour qu'il protège l'Église et le monde. Que la Sainte Vierge écrase la tête de l'ancien serpent, mais ça, je trouve ça intéressant, confonde et déroute les plans des enfants des ténèbres. » Hein, ils sont gentils quand même, l'Église. Ils les appellent simplement les plans des enfants des ténèbres. Alors, voilà pour... un mouvement, en tout cas une manifestation, une prise de position de certains membres de l'Église catholique, et je trouvais que c'était digne de mention. Et je suis tombée cette semaine sur la vidéo d'un policier suivi par une autre ce matin, parce que c'est là où c'est drôle, là, où les gens positionnés en autorité, eux, vont commencer à dire non, c'est pas ça, c'est pas pour ça que j'ai signé. Puis, à partir du moment qu'il va y avoir une masse critique dans ces strates-là, là, ça va devenir très intéressant. Donc, un policier dénonce une violation des droits civils des Américains. Parce que j'en parlais tantôt avec Pierre, mon chum, puis Colin, en ce moment, il me disait, j'aimerais quasiment mieux en ce moment... être avec les Américains, tu sais, ou avec les Français, mais au Québec, on a de la misère. Hein. Au Québec, c'est... waouh, c'est petit, hein. C'est comme un laboratoire de moutons en ce moment. Il y a pas grand monde qui se lève sur la place publique, là, qui sont officiels. Il y en a plein underground, mais, tu sais, il y a pas ce mouvement-là comme il y a dans d'autres nations en ce moment. Puis ça, c'est nous, les Québécois, hein. un petit peuple, on a notre symbole, c'est Saint-Jean-Baptiste, c'est le mouton. Saint-Jean-Baptiste se fait couper la tête par une femme et blablabla. Tu sais, on est vraiment, je crois, un laboratoire pour expérimenter la domination, parce qu'on jusqu'à maintenant, on est assez sweet avec ça. Alors, ce policier-là a découvert avec son nom, son visage et sa voix non trafiquée, a exprimé, et je vous en donne des extraits. Comme officier de police depuis 10 ans, je suis obligée de faire cette vidéo. Je suis obligée, donc il se sent obligé de faire cette vidéo. J'ai vu des officiers appliquer des ordres tyranniques contre le peuple. J'espère que c'est une minorité, mais je n'en suis pas sûre. Parce que chaque fois que j'allume la télé, chaque fois que je regarde Internet, je vois des gens arrêtés ou cités pour être allés à l'église, pour avoir voyagé sur les routes, pour être allés dans un parc à leur avec leur famille. Ont-ils commis un crime? Nous devons commencer à nous regarder en tant qu'officier de police et penser à ce que je fais en ce moment. Peu importe votre position sur le coronavirus, nous n'avons pas le pouvoir de faire ces choses aux gens simplement parce qu'un maire ou un gouverneur vous dit de le faire. Je me fiche que ce soit votre sergent ou votre chef de police. On ne viole pas les droits constitutionnels des gens. Les Américains sont un petit peu plus hauts que nous autres là-dessus. Alors, il poursuit, ce sont des arrestations bidons. Sur les droits constitutionnels, tous les hommes sont créés égaux. Et tout pouvoir gouvernemental vient du peuple. Hein? On a-tu oublié ça, là, quelque part, un petit peu, mettons, là? On n'a pas le pouvoir au-dessus de nos citoyens. C'est ce que notre pays défend. Dire aux gens qu'ils ne peuvent pas aller à l'église, c'est enlever la liberté de religion. Dire aux gens qu'ils ne peuvent pas protester, c'est enlever la liberté de réunion, de rassemblement. C'est une violation aussi de vous arrêter pour vérifier vos papiers. Qu'est-ce que vous êtes, pose-t-il aux policiers? La Gestapo? C'est l'Allemagne nazie des années 30? On n'arrête pas les gens, à moins d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont commis un crime. Ces ordres tyranniques qu'ils donnent rendent mon travail et ma sécurité en danger, parce que ce qu'ils font, c'est d'élargir encore davantage l'écart entre la confiance du public et des policiers. Au cours des 10 dernières années, la confiance du public est de moins en moins grande. Je crains que ces actions réveillent un géant endormi, c'est-à-dire le peuple américain. Le peuple américain qui a participé à plein de guerres tout partout dans le monde. Mais quand... Alors je poursuis ce qu'il dit parce que je trouvais ça tellement vrai. Ils vont se retrouver dans une situation où leurs droits seront de plus en plus bafoués. Je pense que si ça continue, on va voir couler du sang dans les rues. Je ne veux pas voir le sang couler dans les rues. Je ne veux pas voir des officiers de police être blessés ou tués. Et je ne veux certainement pas voir des citoyens blessés ou tués. Vous n'êtes pas prêts mentalement ou physiquement au combat. Je répète, vous n'êtes pas prêts mentalement ou physiquement au combat. Je vous promets que vous ne voulez pas passer par là. Et j'espère que je n'aurai plus jamais à revivre ça. Puis pourquoi il dit ça? Parce que lui-même est un vétéran de l'Irak. Comme la plupart, j'ai besoin de garder mon boulot. J'ai 3 jeunes enfants, des factures à payer, etc. Mais mes choix personnels et mes conditions de vie, quels qu'ils soient, ne me permettent pas de bafouer les droits des gens. Et je ne comprends pas pourquoi ce concept est si difficile à comprendre pour plusieurs. Chacun doit défendre ce qui est juste. Aux officiers et à leurs adjoints, imposer et empiéter sur les libertés des gens, vous devez intervenir et dire non, ce n'est pas pour ça que j'ai signé, et cela va à l'encontre de mon serment. Et si cela vous coûte votre travail, qu'il en soit ainsi. Ah, l'intégrité, c'est l'intégrité qui va sauver l'individu là, à travers tout ça, hein, on n'en sort pas. Là, c'est moi qui dis ça, mais je retourne à lui, mais il dit la même chose finalement. Au moins, vous allez être capable de vous regarder dans le miroir. Je l'ai déjà dit à mon équipe et à mon patron. Heureusement, je viens d'un département qui, j'ai l'impression, partage mon point de vue. Mais je me fiche du service dont vous faites partie ou de ce que pense votre chaîne de commandement. On ne piétine pas la liberté des gens. En tant qu'ancien combattant des opérations spéciales, je me suis battu en Irak sous le couvert de la liberté du gouvernement américain. Et je vous dis que le peuple américain va se battre 10 fois plus pour leur liberté sur leur propre sol que tout ce que vous avez jamais vu auparavant, alors qu'ils se battaient sur d'autres sols. Si c'est quelque chose que vous êtes prêt à affronter, alors continuez à piétiner leurs droits. Mais je vous promets que l'esprit de défiance américain va renaître et que ce sera un gros problème. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, regardez en vous-même et posez-vous la question « Est-ce que je fais la bonne chose? » Tu connais la réponse. Et aucune somme d'argent ou ordre reçu, aucune loi ou quoi que ce soit ne devrait t'arrêter de faire ce qu'il faut. J'implore donc les agents de police de se regarder. Et si nous nous levons tous ensemble, devinez quoi, ce ne sera pas un problème. Et les policiers seront unis comme nous devrions l'être. Et c'est drôle parce que tantôt, aujourd'hui, en fin d'après-midi, j'ai vu la vidéo d'un deuxième agent de police qui, parce que lui a parlé, s'est exprimé, a dit « Écoute, depuis que j'ai écouté cette vidéo-là, moi aussi, là, faut que je parle, tu sais. » Puis il dit aux gens, mais c'est bien sûr, c'est facile en même temps de dire aux gens, parce que c'est pas le policier qui va se donner une amende, un ticket à lui-même, whatever, mais quand même, il dit, faites attention, tu sais, sortez de chez vous, puis dit, moi, je vais voir ma famille, là, puis il y a personne au monde qui va m'empêcher de faire ça, tu sais. Mais bien sûr, il y a un avantage, les policiers, mais ces deux policiers-là, quand même, font preuve de courage, à visage découvert. Et c'est là-dessus que moi, je mise, que je me concentre sur cette intrigue extraordinaire au risque de perdre ta job, ou même pire, tu sais, on connaît les trois bâtons, hein, l'exclusion, t'enlèves ton compte de banque, ou on t'assassine, tu sais. Mais bon, c'est le temps d'être brave et courageux. Alors voilà, de plus en plus de personnes, notamment comme ce policier, ces policiers, ou ces cardinaux, ou ces nombreux médecins, etc., s'élèvent et disent non. Chacun, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, parce que c'est pas rien que la job des avocats, des profs, des médecins, puis des polices, là, c'est la job à nous tous, individuellement, tu sais. Pas besoin de peu importe qui on est en ce moment dans le monde, là, tu sais. On a notre autorité personnelle, individuelle en ce moment, notre souveraineté, puis c'est à nous, à chacun, de se lever et dire « Non, non, moi, je consens pas à ça, là, tu sais. » Alors, chacun est appelé à se lever et à faire preuve de courage et affirmer, justement, « Je ne consens pas. » Ce choix est dans les mains de tout le monde. Puis là, je trouve qu'on... Moi, je suis très contente, comme plusieurs, de voir des gens d'autorité officielle dans des champs d'activité prendre la parole, ça, mais c'est pas rien qu'à eux autres, là, tu sais. C'est pas rien qu'à eux autres, là. C'est à chacun de nous, là, tu sais. À la SAQ, à l'épicerie, à partout, là, tu sais, tout le temps, là, tu sais, de pas être violent, mais de pas être con non plus, là, tu sais, moi, j'essaie de le prendre un petit peu à m'amusant, tu sais, comme à la SAQ, là, faut prendre le panier pour garder la distanciation, puis c'est pour nous pratiquer, tu sais, à marcher en marchette, tu sais, puis là, ça rigole, mais au moins, tu sais, bon, moi, je ventile en même temps sur l'absurdité de ce qu'on vit en ce moment, là, tu sais. Ou alors, j'ai plein d'exemples, mais c'est sûr que des fois, il faut être en forme, là, tu sais. Lisez un texte de Guy Boulian ou écoutez une vidéo de David Dagg, puis sortez après ça, puis c'est sûr, vous allez être plus en forme pour stander l'absurdité actuelle, tu sais. Mais bon, c'est à chacun pareil de la stander, de s'exprimer là-dedans, de faire l'effort génétique et cellulaire du petit Québec, de se lever debout. Puis là, je parle pas de politique, parce que pour moi, c'est clair, là. Il y a rien au Québec, là, tu sais, il y a rien, là, tu sais, c'est le désert total, c'est silence radio, n'attendez rien, tu sais, de ces petites politiques, tu sais, de petits moutons, là, tu sais, de troupeaux de Saint-Jean-Baptiste, là. En tout cas, bref, hein. Thank you.